Jim Carr, moi les miens. Le shootstar, on se la baisse. Carré rouge, M shit, bon, je viens à la plaine. Bâtir un empire avant de partir, des villas où tu sais, des héritiers impatients de voir crever, fiers de leur descendance quand je pense à hier. C'est pour préserver l'avenir de mes gosses, régnant autour d'une table comme si c'était hier. Dernier jour à vivre, dernier corps à suivre, fils écoute. La rue m'a réappris par des torts à mes vieux, au lieu de sur mes corps, puis au milieu des halls sans diplôme. Toute ambition loin de mon cœur, bord de rien pour un vol, dernier fringue à la mode. Conduite sur le vol, dit l'enfin. Que des conneries morbides, regrette rien de tout ça, regrette rien de tout ça.